Bonjour, il est midi ce 15 mars 2025 et vous vous préparez à écouter sur les 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslu.com et même sur DAB+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui pour vous servir, Didier, Morgane et moi-même. Christian n'est pas présent aujourd'hui, on le saura pourquoi à la fin de l'émission dans les actualités d'attaque de Didier. Aujourd'hui, nous allons parler de France Travail, Expo l'Emploi. Depuis presque un demi-siècle et que le chômage est devenu systémique, cette agence et le chômage est un sujet récurrent des politiques. C'est une rengaine, les chômeurs sont soi-disant des feignants et les politiques veulent sans arrêt trouver des nouveaux moyens pour les inciter à trouver un emploi. Nous savons ici à Attaque que les choses ne sont pas aussi simples. France Travail, c'est pas du boulot. Voilà le titre de notre émission. Nous avons aujourd'hui choisi de parler de France Travail, mais du point de vue de l'intérieur. Comment en arrive-t-on à travailler pour cette agence? Quelles sont les méthodes de management? Quel rapport les conseillers ont avec leurs demandeurs d'emploi? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans les studios de Radio Campus un ancien employé de France Travail. Bonjour Alex. Bonjour. Je précise ici, qu'on se connaît bien, c'est en ayant souvent discuté avec toi et sur ton expérience à France Travail que j'ai eu envie de t'inviter. Donc, pour commencer, je vais te poser la question, avant d'arriver à France Travail comme employé, est-ce que tu en avais déjà été usager ? Oui, pendant quasiment 3 ans. Quand il y a eu le Covid, j'ai été assistant d'éducation et lorsque mon contrat s'est terminé, j'ai eu 3 ans de chômage avant d'intégrer France Travail. Ok. Et j'ai dit usager de France Travail, mais on parle d'usager ou de client, enfin comment vous faites ? on parle normal. Alors, à l'intérieur de France Travail, on parle de DE, donc de demandeur d'emploi. On réduit tout au maximum. Il y a un système de... Alors, c'est pas un système, c'est plutôt un objectif de fidélisation. L'objectif, c'est que chaque demandeur d'emploi aille dans son agence. D'où la fidélisation de France Travail. Mais sinon, effectivement, on parle plus d'usagers. Mais la limite, elle est assez fine en soi. Ok, et du coup, tu es arrivé comment là-bas et comment ça se passe les recrutements pour rejoindre France Travail ? Alors, je suis arrivé par le plus grand des hasards. En fait, quand j'étais en période de chômage, je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. J'avais enchaîné pas mal de boulot, j'ai travaillé dans le monde du tatouage, dans la restauration, en tant qu'assistant d'éducation, etc., etc. Et France Travail m'avait envoyé un mail en me disant si tu veux, il y a une formation de conseiller en insertion professionnelle qui commence bientôt. Si ça t'intéresse, inscris-toi. Donc je m'étais renseigné, effectivement, ça m'intéressait, donc j'ai fait la formation. Et lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai postulé à France Travail. Donc lorsqu'on postule à France Travail, on reçoit dans les 24 heures un test. De 4 parties, donc il y a un test de logique, un test, un QCM avec des événements qui peuvent se dérouler pour voir un petit peu comment on est amené à réagir, et un test d'orthographe, en tout cas sur la qualité de notre français, et un dernier test psychotechnique. Si nos résultats sont bons, on est reçu par l'adjoint de France Travail ou un des responsables d'équipe, et on passe là un entretien. Pour mon cas, l'entretien durait quasiment 1h30, et on avait lors de l'entretien d'embauche, on m'avait fortement posé des questions sur le côté justement social. Et ils voulaient me dire que effectivement, on n'était pas là pour du social, on était là pour de la recherche d'emploi. Et il faisait bien la différence entre le social et la recherche d'emploi. Bon, ce qui m'avait fait tiquer, mais comme j'allais être amené à être au RSA dans les 2-3 prochaines semaines, bon, j'ai fait un joli dos et j'ai répondu, on va dire, comme il le souhaitait, pour pouvoir être embauché. Et en fait, c'est parce que c'était pas ton premier choix. Non. Après ta formation en conseiller en insertion professionnelle. C'est ça. Alors, j'avais pas fait la fine bouche, mais mon objectif, c'était de trouver un emploi, on va dire, assez proche de chez moi. Et les entreprises qui avait décidé de vouloir m'engager était assez loin. Il y avait entre trois quarts d'heure et une heure de route. Et je me voyais pas faire deux heures de route aller-retour dans un job que je venais tout juste de découvrir. Donc j'avais en partie choisi la solution de facilité puisque bah, le France Travail qui m'avait embauché était à 20 minutes à pied de mon lieu de vie. Donc c'était parfait pour moi à l'époque, quoi. Ok. Du coup, tu as été recruté. C'est ça. C'était sous quel contrat, enfin, sur quel type de contrat? Alors, c'était un CDD de remplacement. En gros, à France Travail, il y a plusieurs types de contrats. Il y a également des contrats que j'ai personnellement vus nulle part ailleurs. Donc, ce sont des contrats de remplacement. Donc, dans un premier temps, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'accompagnement à France Travail. Il y a des accompagnements pour les personnes porteurs de handicap, les accompagnements pour des personnes qui ont des gros freins périphériques, pour les créateurs d'entreprises, etc., etc. Moi, je remplaçais une collègue qui est passée sur un accompagnement global. Et moi, je récupérais, du coup, son portefeuille de guidé, on va dire, pour les personnes classique. On précise, quand on dit portefeuille, ça veut dire quoi chez France Travail? Portefeuille, bah, c'est le nombre de personnes qu'on accompagne. C'est un terme que j'ai entendu que en banque. Portefeuille, ouais, c'est ça. Donc c'est toutes les personnes qu'on accompagne au fur et à mesure. Donc là, j'avais un portefeuille entre... Ça variait entre 200 et 280 personnes à suivre, en sachant que les accompagnements guidés sont les plus gros portefeuille. Par exemple, dans un accompagnement porteur de handicap, ça va plus être aux alentours de 40 à 80, 90 personnes. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est, dans tous les cas, énorme. Pareil pour le global. Il y a que l'accompagnement jeune, donc contrat engagement jeune, qui est plus petit et qui est vraiment limité à 40 personnes maximum. Ok. Donc moi je suis arrivé en remplacement et donc du coup c'était un CDD, donc un contrat à durée déterminée à terme imprécis. Donc ça voulait dire que tant que ma collègue était sur son nouveau poste, on pouvait me prolonger autant que nécessaire, même après la fin théorique de mon contrat. On pouvait, donc le côté négatif, c'est qu'on pouvait également m'arrêter plus ou moins du jour au lendemain. Ah oui. Ma collègue était sur un portefeuille global dans un premier temps et ensuite elle a été sur du RSA. Donc là, le RSA, c'est en plein changement en France. On en reparlera, ouais. On en reparlera. Bien ouais. sûr. Et donc, du coup, France Travail est amené à arrêter les accompagnements des personnes au RSA. Ça veut dire que moi, si j'avais été amené à être prolongé, bah, j'aurais probablement été arrêté le jour où elle aurait arrêté son portefeuille. Ah oui, d'accord. Okay. Mais du jour au lendemain. C'est de la précarité, donc, quand même. C'est relativement précaire, effectivement. On ne sait pas trop de quoi est fait le lendemain. Après, si on se renseigne un petit peu sur les informations, si on reste proche des actualités, on peut se douter un petit peu. Mais les managers et les responsables restent assez fermés sur... Enfin, ils filtrent très bien les informations qu'ils donnent. Mmh. Et ça, je pense que c'est des ordres directs de bien plus au-dessus que mes responsables direct, quoi. Et il y a quel autre type de contrat à France Travail? Il y a eu des contrats PEC, donc des parcours emploi compétences. Alors moi, ça, c'est un type de contrat que je suis prêt à dénoncer sans aucun problème dans tout type de structure, pas que à France Travail. En gros, les contrats parcours emploi compétences sont des contrats de 6 mois, 1 an maximum, où l'objectif, c'est de monter en compétences sur une tâche précise, que ce soit de la bureautique ou autre. Et les contrats PEC qu'on avait, nous, s'occupaient essentiellement de l'accueil et de faire des relances téléphoniques pour les réunions collectives qu'on faisait ou les événements qu'on organisait. Le problème, c'est qu'ils étaient limités à ces tâches-là. Et Moi, je n'ai jamais considéré ça comme de la montée en compétence. Appeler quelqu'un en permanence pendant 6 mois, ce n'est pas si intéressant que ça. Faire de l'accueil en sachant que l'accueil qu'il faisait, c'était l'après-midi. Donc, en fait, l'après-midi, ils ouvraient juste la porte. Pour les rendez-vous. Pour les rendez-vous. Ouais. Et ils s'occupaient également un petit peu des personnes qui passaient des tests, notamment les tests PIX. Mais ils s'ennuyaient plus qu'autre chose, à un tel point que c'était toléré qu'ils étaient qu'ils soient sur leur téléphone pendant une après-midi complète, scroller Internet, Instagram et compagnie. Et du coup, il y a aussi des CDI, j'imagine. Il y a des CDI. Alors ça, c'est une majorité en soi. Les CDI qui sont en règle générale assez longs, donc les recrutements les CDIsations se font de plus en plus rares à France Travail. Surtout qu'en plus sur l'île c'est assez particulier puisqu'une des agences est amenée à fermer définitivement. Là fin avril, donc il y a l'agence du centre-ville qui va fermer. Donc tous les usagers de cette agence vont être allés ailleurs. Il y a également des services civiques. Donc là, pareil, les services civiques, c'est uniquement le matin et une partie l'après-midi. Ils sont à l'accueil aussi, du coup. Ils sont à l'accueil et s'occupent essentiellement, surtout d'ailleurs, du pôle informatique. Ils aident les usagers à utiliser les ordinateurs. Ce qui est intéressant, mais je trouve que dans notre agence, et je parle uniquement de notre agence, il y a eu des difficultés à bien gérer ça et par conséquent, c'était mal organisé. Mais ça, c'est un avis purement personnel. Et il y a encore des fonctionnaires qui restent de... Il y a encore des fonctionnaires, alors on n'appelle pas ça des fonctionnaires. D'accord. En gros, quand il y a eu la fusion pour que ça devienne Pôle emploi, les personnes qui étaient déjà en CDI avaient le choix entre garder son statut privé, entre garder son statut public ou passer au statut privé. On va pas se le cacher. Les personnes intelligentes, on va dire, ont gardé leur statut public parce qu'il était bien plus intéressant. Donc oui, il y a encore des traces de ça. Ok. Oui, parce que quand on dit privé, c'est contrat type privé. C'est mais, ça. Voilà, bref. Bon, on va passer à la suite. Donc là, on va aborder le cœur de notre sujet, c'est-à-dire les méthodes de management à France Travail. Mm-hmm. Et du coup, je vais passer à Morgane. Ouais. Bon, alors là, on aborde la question comment ça se passe à l'intérieur, donc les relations avec les collègues. Et la hiérarchie, est-ce que tu avais combien de personnes au-dessus de toi dans tes supérieurs ? Et est-ce que toi-même, tu avais des personnes sous ta responsabilité Alors, au-dessus de moi directement, donc j'avais toute la direction. Donc, dans mon agence, il y avait 4 responsables d'équipe. Donc, un qui gérait directement où j'étais dans son équipe, mais tout le monde était mes supérieurs. J'avais un directeur adjoint, un directeur, et également ce qu'on appelle un responsable métier à France Travail. Et ça, c'est un job que je vois uniquement à France Travail. Le responsable métier, c'est la personne qui connaît tout le réglementaire, presque sur le bout des doigts, ou en tout cas qui sait où chercher l'information précisément. Que ce soit du côté de l'indemnisation, ou du côté, on va dire, directement protocolaire pour la recherche d'emploi ou la création d'entreprise. Donc toutes ces personnes-là, donc au total 4, 5, 6, ouais, 6, 7 personnes, c'est ceux qui étaient directement au-dessus dans mon agence. J'ai déjà été amené, alors pas à gérer des gens, mais j'ai déjà été, on va dire, responsable d'un contrat PEC lors de son contrat, mais ça s'est fait un peu, on va dire, à la va-vite parce qu'il fallait remplir une case. Et comme la personne était ma demandeuse d'emploi, moi je voulais faire les choses bien. Et donc ils ont dit on va mettre ton nom. Donc au final cette personne-là, j'étais son demandeur d'emploi et j'étais également son chef de son contrat. Ce qui n'était pas très logique en soi, mais sinon les employés directement, les conseillers gèrent très très rarement des personnes directement. D'accord. Du coup ça se passait bien avec la hiérarchie ou oui et non en fait. Pour moi, ça dépend si on veut réellement rentrer dans le moule ou pas, en fait. Et eux, pour ne pas les 100% blâmer tout ce qu'ils ont fait, ils ont des ordres directs. Et en fait, si on suit strictement les ordres, ça va forcément très, très bien se passer. Mais à partir du moment où on ne veut pas forcément respecter les chiffres et peut-être donner un peu plus de temps à cette personne-là qui en a un peu plus besoin, tout de suite, c'est un peu plus délicat. J'ai déjà eu des soucis avec des responsables, parce qu'à France Travail, c'est jamais de la faute des responsables. Toujours, oui. Voilà. Comme partout. Faut le préciser, les on responsables, voit beaucoup ça, hein. C'est pas de leur faute. C'est jamais de leur faute. D'accord. Et alors, tu as eu une démarche originale, on t'avait proposé un CDI et tu as refusé. Pourquoi et comment? Alors, moi, on m'a. Lorsque j'ai. Donc, à la fin de mon. Donc, j'ai eu deux contrats, j'ai eu deux CDD à France Travail. Un de mars 2023 à décembre 2023 et un de janvier 2024 à décembre 2024. J'ai fait un peu moins de deux ans. À la fin donc du premier contrat, on m'a demandé si un CDI m'intéressait et j'ai été transparent. J'ai dit que ça pouvait potentiellement m'intéresser, mais que j'étais pas vraiment sûr, puisque c'était à ce moment-là où j'avais eu un nouveau responsable et avec lequel je m'entendais pas très bien. Donc, du coup, ils ont laissé tomber l'affaire et ils m'ont reproposé un CDD d'un an que j'ai accepté sans problème. Et courant juin-juillet 2024, ma situation a changé, ma vie a un peu changé. Je me suis dit, bon, hein, peut-être qu'un CDI à France Travail, ça pourrait être sympa. Il y a peut-être moyen de faire des choses intéressantes dans ce système de l'intérieur. Et donc, du coup, j'ai signalé mon envie de travailler à France Travail. Et j'ai été pris en rendez-vous et on m'a dit que j'avais pas vraiment les épaules, que j'étais peut-être un peu trop social pour faire un CDI à France Travail, en tout cas pour rester sur le long terme là-bas. Et j'ai bien compris que c'était dommage. Le truc qui est assez marrant, c'est qu'à France Travail, lorsqu'on postule à une ouverture de poste, la première priorité, en tout cas l'une des grandes priorités, c'est l'ancienneté. Plus on est ancien, plus on a de grandes chances d'être accepté en CDI. Moi, j'étais le plus ancien sur le poste sur lequel j'avais postulé et je n'ai pas été pris. Et ils me l'ont expliqué. C'est le côté trop social, pas c'est trop un, dans les. C'est coups. Un handicap. Hein, ça. C'est un handicap. Et la dernière raison qu'on m'a donnée, c'est les chiffres. J'avais pas fait assez de chiffres. J'avais pas envoyé suffisamment d'offres aux demandeurs d'emploi, etc., etc. Ça, ce sont des termes qu'on m'a dit. Donc, d'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas d'obligation de moyens, puisque moi, je suis dans le privé. Donc, les obligations de moyens sont interdites. Mais à côté de ça, on nous dit en douce et lors des réunions informelles que les chiffres sont pas bons, que j'ai pas envoyé assez d'offres d'emploi, etc., etc. Au final, je suis assez content qu'on m'ait pas, que j'ai pas validé ce CDI, quoi. Ouais, sachant que du coup, envoyer les offres d'emploi, il y a un côté aussi contraignant dans le sens si le demandeur refuse trop d'offres. Alors ça, c'est plutôt faux. Au final, ça c'est quelque chose qui est censé être mis en place, mais au final, ça a jamais été mis en place. Ça, clairement, si vous refusez trois offres, tant que c'est correctement justifié, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que l'offre que vous refusiez deux fois corresponde parfaitement à ce que vous recherchiez. Pour que y ait vraiment un souci au niveau de votre allocation, par exemple. Nous, on appelait ça du bâtonnage à la fin entre collèges. Ah super, je dois faire un peu plus de bâtonnage, sinon je vais me faire taper sur les doigts par mon responsable. Ça veut plutôt tout dire au final. Ouais, ouais. Donc au final, est-ce que c'est possible de bombarder d'offres d'emploi à quelqu'un en sachant que, juste pour avoir des bons chiffres... Des collègues le font. Des collègues le font et des collègues ont eu des CDI grâce à ça. Ou par exemple, ils vont respecter les clous, ils vont envoyer leurs 10, 20, 30 offres par semaine, en sachant qu'en soi, c'est quelque chose qui est relativement rapide à faire pour nous. C'est on ouvre le logiciel, on voit une offre qui peut être intéressante, on a un logiciel pour extraire les demandeurs d'emploi qui recherchent à peu près cette offre-là, et voilà, on envoie les offres. En soi, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais c'est pas pertinent pour tout le monde, parce que y a pas mal de personnes, mine de rien, qui ne lisent pas leur courrier. Soit parce qu'ils ont la flemme et du coup, c'est pas bien, mais soit parce qu'ils ont du mal à maîtriser l'outil informatique et dans ces cas-là, c'est absolument pas de leur faute. Donc, ça peut être fait. Si le courrier est pas lu, tant pis. Si le courrier est dans tous les cas, la personne qui aura fait ça va être bien vue par la direction. Mmh. D'accord. Et ouais, du coup, pour en revenir, t'es resté un peu moins de deux ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et 22 mois. On va en venir à la question, on parle beaucoup de souffrance au travail, ex-Pôle emploi, donc France Travail, avec aussi bien pour le personnel que pour les usagers, on va dire. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un peu l'ambiance C'est l'ambiance par rapport à ton agence à ce niveau-là. Alors du coup, ouais, je précise que là, je parle uniquement de mon agence et je fais absolument pas une généralité. Donc l'agence où j'étais était une des grosses agences de Lille. La chose intéressante, c'est que il n'y a pas vraiment de... Lorsqu'on met en avant un problème, il n'y a pas vraiment de solutions qui sont mises, ou en tout cas, c'est très compliqué. Dans mon agence, on a eu des tout types de problèmes. Des problèmes de locaux, en termes de place. On a eu des problèmes de planning, etc., etc. Et lorsqu'on en parlait, tout de suite, les solutions n'arrivaient pas et on s'en rendait très vite compte. En fait, à la fin, il y avait plus un ras-le-bol et par conséquent, beaucoup de collègues étaient désabusés à la fin. Il y a encore ce problème-là avec les logiciels, et ça, par contre, je vais généraliser tous les logiciels, que ce soit dans l'administratif ou autre, c'est mal fait, et France Travail n'échappe pas à la règle. Donc, plus d'une fois par semaine, on a un problème où un de nos logiciels importants bug, que ce soit pendant une heure, une demi-journée ou une journée. Et en fait, pendant tout ce moment-là, on est littéralement bloqué. Si on ne peut pas avoir accès au dossier des demandeurs d'emploi, bloqué. On ne peut pas avoir accès aux offres, bloqué, etc., etc. Il y a une fois, je me rappelle, on avait fait une réunion et les responsables sont venus et nous ont dit « Bon, si vous avez des problèmes avec votre planning ou à cause d'une surcharge de travail, venez nous voir. » J'avais pris mon courage à deux mains. Beaucoup de mes collègues m'avaient dit « Si tu veux être CDIsé, ne le fais pas parce que tu vas être mal vu, etc. » Parce que forcément, les CDD à France Travail sont considérés, même si beaucoup de gens vont dire « Non, mais si c'est le cas. » Parce que tous les collègues vont me dire « Oui, il y a que les responsables qui vont me dire non et ça reflète bien la réalité. » Les CDD sont les personnes où on va les charger comme des mules. De toute façon, on se rend bien compte que s'ils veulent pas faire de CDD, de CDI, on va les charger et après ça va être ciao, bonsoir. Et les personnes qui veulent CDIser ne vont forcément rien dire parce qu'ils veulent avoir leur CDI à la fin. Moi, je m'étais plaint, j'avais dit, écoutez, moi j'ai une surcharge de travail, j'étais sur beaucoup de projets. Une semaine plus tard, on vient me voir et j'ai une réunion avec ma responsable qui m'engueule parce que elle ne comprend pas pourquoi j'ai une surcharge de travail, etc. Et je me fais vraiment engueuler. Alors que je l'avais bien notifié, comme quoi elle ne faisait rien. Je l'avais déjà dit, alerté plusieurs fois, et au final, c'est moi qui m'en prends une. D'accord. Ouais. Parce que ils ne comprennent absolument pas. Et est-ce qu'il y a moyen d'avoir quand même une approche originale de ce travail? Enfin, toi, tu parlais de social. Ou est-ce que c'est plutôt stéréotypé? Chacun, les salariés sont interchangeables, tout le monde fait la même chose. Enfin, je sais pas. Alors, les salariés sont interchangeables. Toutefois, il y a quand même des collègues qui vont passer au-delà de tout ce qui est bâtonnage et compagnie et qui vont quand même faire un bon, voire un très, très bon travail. J'ai quelques collègues en tête qui vont se dire « Ok, j'ai mon CDD, j'ai mon CDI, pardon. Je vais continuer à fonctionner comme ça. Je vais continuer à... on va dire bien travailler de manière sociale. Après, malheureusement, il y a aussi des collègues qui vont décider de se dire ok, j'ai eu mon CDI, je vais faire mon bâtonnage mensuel et le reste du temps, je vais devenir plus ou moins un cliché où je vais aller à la machine à café toutes les deux heures. D'accord. Etc. Il y a de tout dans le grand monde de France Travail. Au final, on est un peu plus de... Ça dépend des individus, quoi. Un peu. Ça dépend des individus, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens, prenez le temps de voir comment fonctionne votre conseiller et limite, demandez-lui comment il fonctionne votre conseiller France Travail. Ouais. N'hésitez pas à lui dire, vous, comment vont fonctionner? Est-ce qu'on va s'envoyer des offres d'emploi? Est-ce qu'on va discuter toutes les semaines? Ou est-ce que j'aurai plus de nouvelles de vous dans 3 mois et fin de l'histoire, quoi. Faut pas hésiter à le demander au final. D'accord. Et tu avais dit à Florent notamment que tu avais passé beaucoup de directeurs d'agence. Qu'est-ce qui explique un peu ce turnover de... Alors ça explique deux. Il y a deux choses qui peuvent expliquer cela. C'est que l'agence où je l'étais, c'est un peu une agence tremplin. Où les personnes qui arrivent responsables d'équipe, leur objectif c'est d'aller plus haut. Et les personnes qui sont directeurs adjoints également, leur objectif c'est d'aller encore plus haut. Et pareil pour les directeurs. Donc moi j'ai eu au total en 22 mois, j'ai eu 2 directeurs différents, 2 directeurs d'adjoints différents et 8 responsables d'équipe. À mes yeux, 8 responsables d'équipe en 22 mois, on fait le calcul, c'est tous les 2 mois on change à peu près. C'est littéralement pas possible pour avoir des projets, des longs projets viables. Ça change pas grand chose notre manière de travailler sur le court terme où c'est les tâches de la vie de tous les jours, mais par contre sur des gros projets comme j'ai pu avoir et comme d'autres collègues ont pu avoir, c'est quasiment impossible de les mener à bien, ou en tout cas comme on le souhaitait. Et le poids des organisations syndicales, enfin moi je connais notamment Sud Emploi, enfin il y a les syndicats sont puissants et ils agissent dans le bon sens, enfin comment tu vois les choses? Les syndicats France Travail sont utiles sans vraiment l'être. Alors là, il s'est passé pas mal de choses, notamment dans le département du Nord en 2024, où il y a eu une grosse histoire avec des personnes syndiquées, etc. Je vais pas rentrer dans les détails puisque je connais pas tous les tenants et les aboutissants de la chose. Mais depuis que je suis arrivé, les syndicats ont beaucoup de mal à agir et ont beaucoup de mal à montrer qu'ils sont présents. Ils vont venir une fois par trimestre dans l'agence pour dire, au fait, on est là, n'hésitez pas à discuter, etc. Ouais. C'est très compliqué pour eux de faire des choses. Donc il n'y a pas vraiment de vie syndicale, quoi, vous n'avez pas... Alors, non. Non, clairement, pour un conseiller France Travail classique, on va rencontrer... Moi, j'ai rencontré les syndicats 3 fois en 2 ans, il n'y a eu absolument aucun changement. Ouais. Et je les avais rencontrés pour des raisons justifiées, pas juste pour dire bonjour. Donc, alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont du mal à cause de la hiérarchie, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus envie de faire grand-chose? Je pense que c'est un peu des deux. D'accord. Et comme dans tout travail, il y a quand même ce qu'on appelle le travail prescrit, c'est-à-dire ce qu'on te demande de faire, et le travail réel, les difficultés que tu rencontres et tout. Mmh. Est-ce que tu as vécu des exemples comme ça? Enfin, tu l'as vécu, ces situations là? Complètement. Bah, il y a une situation qui est assez intéressante où, l'inscription à France Travail a changé depuis début 2025. Mais pour parler de l'année 2024, en gros, nous, on nous demande 2 choses, notamment. Chose numéro 1, c'est que quand quelqu'un sort d'une formation, on doit le voir dans le mois. Chose numéro 2, c'est que lorsque quelqu'un rentre dans votre portefeuille en tant que nouvel primo inscrit à France Travail, on doit également le voir dans le mois. Le problème, en fait, c'est que c'est entre 5 et 20 personnes. Mmh. Donc, c'est impossible. C'est clairement impossible de le voir légalement dans le mois, tout le monde, en fait. Mmh. Et en fait, rien que ça, on est même pas dans les clous. Pareil, pour chaque, normalement, une grande partie des conseillers à France Travail gèrent une formation. Et responsable, en tout cas, c'est le premier nom qui est inscrit sur la formation. Et normalement, on est censé aller voir la formation au début, au milieu et à la fin. Et idéalement, créer un petit job dating pour les sortants de formation, pour qu'ils trouvent plus facilement du boulot. J'ai jamais vu quelqu'un le faire. D'accord. C'est impossible. On n'a pas le temps. Donc tu as quand même peu de liberté d'action et de degré d'autonomie dans ton travail. En fait, c'est ça, c'est comparer entre ce qu'on nous demande réellement de faire et ce qu'on peut réellement faire avec toutes les tâches qu'on nous donne à côté. C'est clairement impossible. Et en fait, c'est là où on va voir les différences. C'est entre les personnes qui sont en CDI et du coup qui ont une place relativement confortable et qui ont appris à dire non à la direction, et ben on va les mettre de côté. D'accord. Et du coup, qui est-ce qu'on va charger comme des mules? Les CDD et les personnes qui vont tout le temps dire oui à tout, quoi. Morgane? Oui. Alors, comme on disait, un conseiller, j'allais dire Pôle emploi, mais bon, enfin voilà, un portefeuille. Ouais. On fait l'erreur aussi. Oui, non, mais bon. Un portefeuille de demandeur d'emploi. Toi, quelles étaient les caractéristiques de ton portefeuille? C'était quelle taille? Quel type de personne et quelle problématique, du coup? Donc moi, c'était un portefeuille guidé, donc c'était, on va dire, plus ou moins monsieur tout le monde lambda. Donc c'était les personnes qui souhaitaient rentrer en formation de tout âge, tout type de formation. C'était les personnes qui recherchaient un emploi et qui n'avaient pas spécialement de gros freins. Quand je parle de gros freins, c'est soit le logement ou le côté financier. Faut savoir que le frein famille n'est pas considéré comme un frein à France Travail. J'avais entre 180 et 220, 230 personnes active dans mon portefeuille, donc les personnes qui sur lesquelles je devais avoir une attention particulière, et j'en avais une trentaine, quarantaine de plus qui étaient soit en formation, soit au travail, mais qui restaient inscrits à France Travail, donc je pouvais un peu moins m'en occuper. Clairement, je m'occupais, on va dire, de un peu moins de la moitié de mon portefeuille, puisque c'était des personnes qui étaient demandantes, qui venaient me voir, et il y avait une partie du portefeuille, une partie de mon portefeuille, je ne les ai jamais vus. Je leur envoyais des mails de temps en temps d'offres d'emploi, etc. Mmh. Mais parce que trop de personnes, tout simplement. Lorsque Pôle emploi a été créé sous Sarkozy, les textes officiels avaient annoncé un portefeuille de maximum 80 personnes. Là, ça aurait été jouable. Là, clairement, ça aurait été aucun problème. On aurait pu se débrouiller. On aurait beaucoup de boulot, mais on aurait au moins justifié notre salaire. Là, clairement, à 220 personnes, c'est impossible. Et du coup, comment tu sélectionnes ceux que tu as envie de voir et d'autres ? Alors deux choses. La première chose, c'est les personnes qui vont me demander, venir me voir directement, que ce soit une demande de rendez-vous ou un mail. Là, ces personnes-là, je pars du principe que si elles veulent me voir ou me parler, c'est que c'est des raisons précises. Donc le rendez-vous, il sera pris le plus rapidement possible. En règle générale, j'avais un temps d'attente de un mois et demi. Ce qui est beaucoup pour les personnes qui sont dans l'urgence. La deuxième chose, c'est les personnes, je vais regarder un petit peu leurs profils, et ça va être des profils soit qui n'ont pas été vus depuis longtemps, soit où je vais avoir des affinités. Je vais dire une bêtise, quelque chose de simple, mais une personne qui aimerait bien percer dans le monde du tatouage, comme j'ai déjà travaillé dans ce domaine-là, je vais me dire, ok, je vais peut-être pouvoir l'aider plus facilement qu'une personne qui veut être conseiller immobilier alors que j'ai jamais fait ce boulot, par exemple. Oui, c'était bénéfique pour vous deux, quoi, en gros. C'est plus ou moins. Pour le demandeur d'emploi. Voilà, c'est ça. Gagnant-gagnant. Oui. C'est ça. Je vais pouvoir l'aider plus aisément, quoi. Après, ça, c'était une technique que j'avais. Je sais que mes collègues n'ont pas forcément toutes les techniques. Ah oui. À France Travail, on nous demandait pas ça. À France Travail, on avait des priorités. Notamment les jeunes et ceux qui n'ont pas été vus depuis très longtemps. Mmh. Voilà. Aussi les seniors, mais bon, ça c'est un mythe. D'accord. Du coup, ça faisait que tu recevais en moyenne combien de personnes en distanciel ou en présentiel ? Par exemple, par semaine, en fait, ça faisait combien de... Moi, j'avais une préférence en présentiel, surtout pour le premier rendez-vous. Moi, c'est simple, je calais entre 3 et 4 rendez-vous le matin, 3 ou 4 rendez-vous l'après-midi. On fait à peu près le calcul en sachant que j'ai des plages contraintes, que ce soit l'accueil ou autre. Je rencontrais, on va dire, une vingtaine, entre 20 et 30 personnes par semaine, maximum. D'accord. Et est-ce que comment la hiérarchie exerçait son contrôle ? Est-ce qu'il y avait des moyens de contrôle, de contraintes ? Alors, il y avait des moyens de contrôle parce qu'eux, ils avaient accès aux chiffres de tout le monde. Donc, ils pouvaient toujours nous remettre sur le droit chemin. Toutefois, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas d'objectif de moyens. Donc, s'ils viennent vous voir directement en disant, t'as pas fait assez de chiffres là, c'est pas bien, ils savent qu'ils vont se faire gronder. Le problème, c'est que, il y a les collègues en CDI qui savent, qui se laissent pas faire. Et là, dans ces cas-là, ça va pas passer. Et ceux qui vont malheureusement se laisser faire. Ils n'ont pas vraiment le contrôle sur notre manière de travailler. C'est justement ça qui, pas qui est dommage, mais qui est assez bizarre, c'est qu'en gros, ils ont le contrôle sur notre emploi du temps, parce que c'est nos responsables qui gèrent notre emploi du temps. S'ils veulent nous mettre en plage contrainte le lundi matin, c'est eux qui le font, etc., etc. Et c'est là où ils vont, entre guillemets, pouvoir être malins. Moi, ça m'est déjà arrivé de, par exemple, voir un peu trop de gens sur la semaine, et je me rends compte que le vendredi matin où j'avais mis 2-3 rendez-vous, et comme par hasard, j'ai une plage contrainte. Plage contrainte, ça veut dire qu'on te dit quoi faire. Enfin, parce exactement. Que du coup, t'as pas que des rendez-vous. Alors, plage contrainte, c'est je dois faire la chose qui m'est imposée et uniquement celle-là. Par exemple, si je suis à l'accueil, et ça a déjà été dit, même si en soi, c'est bête à dire, mais Personne ne le fait à France Travail. Si je suis à l'accueil, je réponds pas à mes mails, je réponds pas aux mails de mes demandeurs d'emploi, etc. Je fais uniquement l'accueil, même pendant les blancs, on va dire, où il y a plus ou moins personne, où j'ai quelques minutes de temps libre, ce qui est un peu particulier. Et c'est aussi une contrainte au niveau de l'horaire. À France Travail, quand on est employé, on a des horaires assez larges, on peut arriver entre 7h30 et 9h. Si on a une plage contrainte, bah c'est 8h30, un point c'est tout. Ou 9h en fonction des plages contraintes. D'accord. Oh. Oui. Non, vas-y. C'est bon. On va en venir au à la question du chômage. Enfin, au-delà de ton expérience professionnelle, question du chômage, de l'emploi et des minima sociaux. Donc sur quelques chiffres. Donc on parle de 7,4% de chômeurs en France hors Mayotte. C'est un chiffre général. C'est ça. Et 595 100 chômeurs. Demandeurs d'emploi, donc inscrits en France Travail en catégorie A, B, C, puisque les catégories D et E sont censées être des catégories de chômeurs non tenus de rechercher un emploi. Alors maintenant, c'est les catégories 1, 2, 3 et 4, 5, 6, je crois qu'on va jusqu'à 7. En gros, le nombre de demandeurs d'emploi que tu viens de dire, c'est les personnes qui sont en recherche de travail, qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en création d'entreprise. C'est vraiment purement de la recherche d'emploi. Et c'est pour ça que le chiffre, il est un peu faussé, puisqu'on ne compte pas les personnes qui sont en formation. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont absolument retrouver un boulot dans le mois où ils vont sortir de leur formation? Absolument pas. Je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont réussir à créer leur entreprise et à faire fleurir leurs sous? Non plus, absolument pas. Et on parle de différence entre les chiffres de l'INSEE et les chiffres du Bureau international du travail. Tu peux nous expliquer un peu ça? Parce qu'apparemment, le BIT dit qu'il y a un peu moins de chômeurs que l'INSEE. C'est ça, c'est justement toutes les catégories que je vais citer. Donc c'est aussi par rapport aux, donc les personnes qui sont en formation ne sont pas comptées, les personnes qui sont en création d'entreprise ne sont pas comptées. Il y a également, alors c'est sous certaines conditions, mais les personnes qui vont dépendre, qui ne sont pas obligées de s'inscrire à France Travail, par exemple les personnes qui sont au RSA, mais qui dépendent du département et qui par conséquent n'ont pas d'obligation à s'inscrire à France Travail, sous certaines conditions. Attention, je ne veux pas fausser nos auditeurs. Ceux-là non plus ne sont pas comptés. Donc c'est pour ça que, normalement, il y a beaucoup plus de chômeurs que ce qu'indique le site France Travail, par exemple. D'accord. Et on nous dit souvent que, il y avait le truc macroniste, il suffit de traverser la rue, enfin que les offres d'emploi ne sont pas servies, que pourquoi ça ne marche pas? Enfin, il y a des offres de travail fantômes, des travaux inacceptables pour l'insalubrité. Enfin, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de correspondance entre emploi et demande, quoi? Non, parce qu'au final, on ne se rend pas compte que... En fait, France Travail fonctionne par métier en tension. Donc nous, les métiers en tension actuellement sur la métropole lilloise, ça va être les métiers classiques. On recherche des cuistots et des serveurs. On recherche des personnes en manutention dans les usines, etc. et d'autres types de métiers. Et on a beaucoup d'offres là-dessus. Mais quelqu'un qui a un bac plus 5 dans un autre domaine, bien sûr qu'on va pas lui proposer ce type de métier-là. Mais à côté de ça, nous, à France Travail, on lui dit « Oui, mais si ça fait plus de 6 mois que vous cherchez, ça vous dit pas de faire ce type de métier-là en attendant ?» Et il y a aussi également tous les métiers qui sont complètement précaires. Les CDD de 15 jours, les boîtes d'intérim qui sont en train d'exploser en ce moment, parce que y a de plus en plus de CDD de 1 jour, 10 jours, etc. etc. Et également des contrats de 4 heures par semaine dans le nettoyage, par exemple. C'est absolument pas comme ça qu'on va réussir à payer des factures, quoi. Et justement, les relations avec les usagers, est-ce que vous avez un sentiment d'agressivité parfois? Il y a quand même eu des... une personne qui s'était immolée sur un parking de Pôle emploi il y a quelques années, par exemple. Pas que. Là, l'année dernière, on a eu, lors de notre pot, lors de notre séminaire, il y a un monsieur qui est venu dans notre agence, donc c'était d'autres collègues d'une autre agence qui avaient pris le relais lors de l'accueil, et le monsieur était venu enragé, avait pris deux ordinateurs, les avait jetés par terre, etc. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait poignardé à Lille il y a 2 ans. Un de mes collègues, pensez pour tous ceux qui ont vécu ça. Au début, je comprenais pas vraiment les usagers. Je suis quelqu'un qui est assez, on va dire, carré dans tout ce qui est... on va dire plus quelqu'un qui est très protocolaire. Lorsqu'on me dit quelque chose à faire, je vais le faire vraiment de manière assez protocolaire. Donc j'avais du mal à comprendre les personnes qui disent « Ouais, mais moi je comprends pas pourquoi je suis radié à ce moment-là, etc. » Et en fait, c'est vrai que pour trouver les infos, déjà de 1, faut lire des courriers indigestes de 8 pages. C'est vrai que c'est long. Donc moi, j'ai la compréhension vis-à-vis de mes collègues parce que, en fait, on ne s'en sent plus du tout en sécurité, notamment les collègues avec qui je travaillais dans mon agence, puisqu'on n'a pas tout le temps des agents de sécurité. Les gens en ont marre. Et en fait, beaucoup de demandeurs d'emploi ne nous font plus confiance et ne font même plus confiance, on va dire, aux collègues qui font, entre guillemets, bien leur travail de manière, on va dire, sociale. Mmh. Et en fait, c'est assez dommage puisque je pense qu'il faudrait vraiment tout remettre à plat parce que la confiance, elle est perdue un peu des deux côtés. Moi, j'ai entendu plein de collègues dire « Non, mais ce gars-là, du boulot, je lui en trouve en 5 minutes. Non, mais ce gars-là, il fait aucun effort, etc. Mmh. Mais tu l'as vu 20 minutes, est-ce que ça te dirait pas de creuser un peu plus, etc. » Je pense que la confiance est vraiment perdue des deux côtés, d'où l'agressivité qui va en ressortir au fur et à mesure. Et est-ce que tu as des pressions pour inciter justement un chômeur à prendre un emploi qu'il ne souhaite pas ou... Ah bah oui, on est bien sûr qu'on est bien vu. Et d'ailleurs, alors j'ai jamais connu l'origine de cette prime, la nature de cette prime, mais je sais que notre directeur, les directeurs de France Travail ont des primes que nous on n'a pas. Et c'est le seul à avoir une prime unique. Et nous, on a des pressions sur justement ça. Ou par exemple, j'ai une demandeuse d'emploi. Son objectif, c'était d'ouvrir un tiers lieu. J'en ai une autre. Son objectif, c'était de créer un restaurant semi-gastronomique. Mmh. Et en fait, nous, on nous dit, non, mais attends. Il faut plutôt qu'il trouve un métier de cuistot ou emmène-la plutôt vers l'administratif dans une association, etc. Ce sera plus facile et du coup, le chiffre montera plus vite. Parce que forcément, au lieu de créer un projet pendant 6 mois, on lui trouve du boulot en 2 et on est mieux vu. Mmh. Mais c'est pas ça l'objectif. Ok, je vais te poser 2 dernières questions. Bon, d'abord par rapport à la réforme du RSA, donc on parle de 15 heures obligatoires. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça honteux, dans un premier temps, pour être rapide, parce que je vois l'heure qui tourne. Et la deuxième chose, c'est que j'ai encore eu du mal à voir ça mis en place. Et je sais pas comment ça va être mis en place, on va dire correctement, parce qu'il y a clairement un manque de moyens dans les conseillers. Enfin, il faudrait qu'on soit 5 fois plus pour pouvoir gérer tout ça correctement. D'accord. Parce que 15 heures de travail, c'est plus d'heures aussi pour nous. Bien sûr. Et une dernière question, qu'est-ce que tu penses qui a amélioré à Pôle emploi, à France Travail, où est-ce que tout est acheté et qu'est-ce que tu as appris dans cette entreprise et qu'est-ce que tu retiens de positif, disons? Alors, pour moi, il devrait y avoir plus de transparence, que ce soit au niveau de notre travail et au niveau aussi de ce que font les demandeurs d'emploi. Je pense que s'il y a plus de transparence, les tensions s'apaiseraient dans un premier temps. Qu'est-ce que j'ai appris j'ai appris à savoir me tordre en 18 pour faire correctement mon travail à France Travail, et ça c'est une belle chose. Et le positif au final, c'est que j'ai retenu beaucoup de personnes que j'ai pu aider malgré tout, et je connais encore des collègues qui travaillent très très bien à France Travail. Donc je garde de l'espoir un petit peu quand même. Je me dis qu'on va y arriver si on arrive à tous se serrer. Il y a quand même des satisfactions par rapport à ce qu'on peut faire. Il y a quand même quelques satisfactions, même si la frustration reste présente. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alex. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu glandes dans ton lit. Ça fait plus de 12 mois que tu profites du chômage, alors qu'au bar d'en face, tu sais, le patron engage. Franchement, c'était idiot d'être horticulteur, vu que c'est un secteur qui est pas du tout porteur. Et oui, les gens s'en foutent que les jardins fleurissent, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'on leur serve des spritz. Dis, quand traverseras-tu? Dis, moi et sais-tu, faut juste faire attention que le petit bonhomme soit vert. De l'autre côté de la rue, il y a plein de postes non pourvus. Pour vaincre le chômage, il n'y a qu'une solution. Il faut multiplier les passages piétons. Et comme le dit si bien ce proverbe bédouin, pour un passage clouté, c'est 1000 chômeurs en moins. Alors réveille-toi et enfile un costard. Cours, va servir ces gens qu'attendent leur steak tartare. Ensuite, tu feras la plonge, puis tu laveras le bouge. Tu rangeras la terrasse, vas-y, le feu est rouge. Dis, quand traverseras-tu? Sais-tu, tu sais que même Macron a un emploi précaire, un CDD de 5 ans, et lui se plaint pas tout le temps. Et donc, c'était dit qu'en traverseras-tu des goguettes. Et on passe aux actualités d'attaque, Didier. Avec le National, avec Morgane d'abord. Oui, alors sur l'A69, donc par un communiqué, Attaque se réjouit de la décision de justice qui a jugé illégal et pas d'intérêt général le projet d'autoroute A69. Le comité du Tarn avec le collectif La Voie est libre a beaucoup milité pour cet abandon. Sous l'égide de l'AES, donc l'Alliance écologique et sociale, victoire provisoire. Malheureusement, on peut craindre avec les discours revanchards des membres du gouvernement, mais c'est quand même une victoire. Le 8 mars, Attaque a soutenu les manifestations féministes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes ainsi que la grève féministe. Attaque s'inscrit depuis longtemps dans ses mobilisations à travers les Roses, entre autres, contre les violences sexistes et les discriminations de genre. Omnibus, dans une lettre ouverte à Stéphane Séjourné, commissaire européen, Attaque s'inquiète de cette législation européenne qui entend simplifier la directive sur le devoir de vigilance, la directive sur le reporting de durabilité, la taxonomie européenne et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On connaît trop ces lois de simplification qui conviennent parfaitement au patronat et au milieu d'affaires. Le 22 mars, Attaque appelle à manifester massivement dans toute la France contre la répression, le fascisme, le racisme et pour les libertés publiques. L'heure est à la riposte, tel est le slogan pour mobiliser contre les projets funestes des Darmanin, Retailleau et autres. La semaine anticoloniale, dans le même ordre d'idée, Attaque appelle à participer à la semaine anticoloniale et antiraciste du 21 au 30 mars, un événement qui sera décliné en nombreuses initiatives et manifestations. Ensuite, les assises de la santé et de la sécurité des salariés se tiendront les 25 et 26 mars à la Bourse du Travail de Paris, au Château d'Eau. Des assises organisées en lien avec les syndicats et les associations de défense des salariés. Et enfin, IPF, ou impôt plancher sur la fortune. Le 25 février a été adopté à l'Assemblée nationale cet impôt sur les super-riches et leurs méga-profits. Donc cela concerne 0,01% des contribuables, mais ça peut rapporter gros. Environ 25 milliards d'euros pour 2000 contribuables. Confiscatoire, s'est écrit Amélie de Montchalin, la chienne de garde de la haute bourgeoisie. La mesure avait été préconisée par l'économiste Gabriel Zucman et elle a un petit air de taxe Tobin, même s'il ne s'agit pas de transactions financières, mais d'impôts sur les ultra-riches. Oui, tout en sachant que cette taxe doit encore passer, le principe doit encore passer au Sénat et éventuellement au Conseil constitutionnel, donc c'est pas encore gagné, mais enfin, c'est déjà un grand pas. Donc on va passer au local, donc avec le Mercosur, ce fameux traité entre l'Union européenne et quatre pays d'Amérique du Sud. Donc les trois comités de la métropole souhaitent un débat sur le Mercosur en lien avec la Confédération paysanne. L'idée est toujours dans l'air, mais ça pourrait se concrétiser en lien avec les amis du monde diplomatique. Donc, ça serait toujours à la Bresse. On avait espéré courant mars, mais ça sera plutôt avril. On estime qu'il est quand même important pour une organisation comme ATTAC de faire justement mettre en lumière ces traités de libre-échange qui sont quand même très défavorables à la fois au monde paysan, aux consommateurs et aux citoyens. Alors la semaine verte au cinéma à Templeuf, c'est du 17 au 23 mars, donc à l'initiative de CCFD Terre Solidaire et aussi d'ATTAC. Donc Christophe Aguiton, qui fait partie d'ATTAC nationale, devrait intervenir en clôture de l'événement le dimanche 23 à 15h sur les mobilisations internationales. Christophe Aguiton, qui était aussi le fondateur d'AC, l'association qui, justement, d'aide aux chômeurs, agir contre le chômage. Bon, malheureusement, les associations anti-chômeurs sont quand même peu écoutées dans la période. Alors, au Frénois, dans le cadre du Festival du film, ATTAC Roubaix-Tourcoing proposera le film de Yannick Kergoat, Personne n'y comprend rien, sur les affaires libyennes de Sarkozy. Tout le monde comprend très bien, en fait, ce qui s'est passé. Mais c'est parfois utile d'entretenir la confusion, et ce film a quand même la volonté de démystifier cette affaire. Alors, une AG et un débat public, c'était donc hier, le 14 mars, ATTAC Roubaix-Tourcoing a tenu son assemblée générale. Donc, c'était suivi d'un débat public sur le logement à Roubaix, avec toutes les associations roubaisiennes anti-démolition. C'était en lien avec la FAL, les collectifs anti-démolition de Roubaix et aussi l'hebdomadaire Politis. Donc, il y a eu près de 40 personnes sur un débat qui a beaucoup intéressé et passionné l'auditoire. Voilà, donc un ciné-débat à l'univers, donc des cailloux dans la chaussure qui devrait être programmé, je dis bien devrait être parce que il y a des changements, ça devait être programmé à l'univers, mais en fait, le documentaire de Michael Damperon sur un projet de carrière dans la Drôme rejeté par un collectif d'habitants, on ne sait pas si ça pourra se faire finalement, on en reparlera. Et enfin, la question des transports gratuits, donc Christian Latsou, notre maître à tous, qui est absent aujourd'hui, et son épouse Monique, donc, participe ce week-end aux Journées nationales pour la gratuité des transports publics à l'initiative de l'UGDT. Donc, c'est le syndicat solidaire à Paris qui accueille les participants. Ils ne manqueront pas, en tout cas, de nous en parler très prochainement. Voilà pour les actualités locales. Ouais, on va passer à l'agenda militant. Donc, en lien avec le sujet de l'émission, je rappelle que l'Anamorphose, au 48 rue du Long-Pont à Lille, propose la permanence du Café des Allocs tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. La dernière était donc hier. Et donc, c'est entre 15h et 17h. Donc, le Café des Allocs est un réseau d'entraide et de lutte d'allocataires sociaux et de la CAF, ou de France Travail. Le but étant de discuter collectivement des problèmes rencontrés et des manières de les résoudre à plusieurs. Il y a également actuellement des assemblées sur le RSA conditionné, donc le fameux 15h obligatoire. Donc c'est au CCL, 4 rue Colmar à Lille, et le quatrième rendez-vous se déroule le mercredi 2 avril à 18h. Donc c'est ouvert à toutes et tous, concernés directement ou non, allocataires, précaires, solidaires, etc. Donc on passe à un autre sujet. Une fois n'est pas coutume, la suite des rendez-vous sera sur les logiciels libres et la création sous licence libre en général. Donc le premier rendez-vous, il s'intitule « Dégoogliser son smartphone ». Le mardi 18 mars, dès 18h30, à la chaufferie 5 rue Jean-Raymond de Grève à LM. Donc cet atelier a pour but de s'échanger des astuces pour sortir de Google de ses smartphones et trouver des applications et logiciels libres alternatifs aux outils Google et GAFAM. Pour une question de temps et de difficulté, il n'est pas prévu de changer de système d'exploitation. Venez avec votre téléphone, surtout compatible avec les téléphones sur Android, car on est beaucoup plus limité sur Apple, évidemment. Projection de Share Alike. Share Alike, c'est une série de documentaires produits par Lanciné de 9 épisodes d'une quinzaine de minutes. Chaque épisode est centré sur une thématique et suit un ou une artiste ou un collectif. Charalec va à la rencontre d'artistes qui utilisent les licences libres pour leur création. Donc ces licences reposent sur le partage, la liberté et la relation directe entre créateurs et créatrices et le public. Ce sera à la maison des syndicats CNT, 32 rue d'Arras à Lille, et donc le vendredi 21 mars à 19h. La projection sera suivie d'une cantine puis de concerts. Et à l'occasion de la 24e édition de Libre en Fête, le collectif citoyen Lambersart Demain vous propose d'assister à un ciné-rencontre autour du film documentaire La Bataille du Libre. Et donc, ce sera en partenariat avec Ciné Lambersart et avec la participation de l'association CLIS 21. Le film expose les enjeux liés au logiciel libre, notamment la collaboration, l'accessibilité et l'autonomie, et comment ces pratiques essaiment dans différents domaines pour se mettre au service de l'intérêt général et des communs. Ça sera le lundi 24 mars à 20h, dans la salle André Malraux, 15 place Félix Clouet à Lambersart. Et comme je vois que j'ai un peu de temps, je pourrais rajouter un dernier rendez-vous. Donc, on a une projection à l'univers ce soir à 19h. Ça s'intitule « S'il touche à l'un d'entre nous » de Carole Siboni. C'est sorti en 2024 et ce documentaire retrace la lutte victorieuse des salariés de Neosser face aux géants de l'agro-business InVivo. Et voilà. Quelque chose à ajouter ? Simplement pour dire que au mois de mars, il y a donc 5 samedis. Hein, donc l'émission du 29 mars concernera donc le canal Nord Seine, le fameux canal Nord Seine, dont on nous parle beaucoup en ce moment. Voilà, donc ça sera la prochaine émission. Je ne sais pas s'il y avait, au niveau des médias, tu n'avais pas quelque chose. Les médias pas pareils. Oui, les médias pas pareils. Bah, moi, je pensais parler de la chaîne de Clément Viktorovitch. Alors, ce n'est pas vraiment un média donc, comme Blast ou Le Média, mais il fait quand même de l'analyse actualité, de l'analyse de médias. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur la rhétorique. Et là, je l'avais appris sur... quand il analyse le fameux clash à la Maison Blanche entre Zelensky, Poutine, mais Trump et Vance, en fait, aussi spécialisé en négociation, en théorie de la négociation, en fait, il analyse sous trois angles. Donc il dit, bon, en reprenant bien au début, donc en montrant qu'au début, c'est quand même le vice-président qui mène le débat, si on peut dire. Ouais. Donc en analysant un peu les propos qui s'échangent, en disant que bah quand même dès le début Zelensky arrive quand même à appuyer, à avoir raison à chaque fois que Vance lui renvoie des trucs à la tête, notamment quand il dit qu'il a pas laissé sa chance à la paix, hein, en disant bah si justement j'étais là, j'ai signé des accords même en 2019 face à Monsieur Poutine, en fait il a toujours été agressif, c'est toujours lui qui a violé les cessez-le-feu, en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Dès 2014, voilà. Jusqu'au moment où ça part en clash, en disant, bon, bah là, on peut l'analyser comme toute cette chose qui a été mise en scène, c'est juste un round de négociation en plus, où Trump, derrière, les Américains veulent les matériaux précieux, les semi-conducteurs, le lithium qu'il y a dans les terres rares, qui est en Ukraine, et ça c'est un round de négociation en plus pour forcer la main, et on a bien vu que là, c'est encore et toujours forcer la main, vraiment en analysant les techniques de négociation, notamment le fait de dire on va retirer nos moyens, etc. Il dit, là par exemple, c'est une technique de négociation agressive qu'on appelle technique brutale, là où en théorie de la négociation, on est plus sur le modèle d'Harvard, où c'est quand même privilégier la relation sur le long terme, en disant qu'on arrivera mieux à récupérer. Bon. Et ça, première chose à analyser. Deuxième chose, que c'est probablement une vision du monde de Trump et Poutine, une volonté d'affaiblir l'Europe sur le long terme. Ça, clairement. Mmh. Et le troisième degré d'analyse, qui est vraiment beaucoup plus terrifiant, c'est de partir sur un ordre du monde où au final, le droit international, le droit des peuples, au final, on peut le piétiner, passe à la trappe, et c'est la raison du plus fort, de celui des impérialismes, que ce soit Poutine en Europe. Et, enfin, voilà. En tout cas, c'était de la bonne télévision, nous a dit Donald Trump. Et voilà, c'est ça. On va se terminer là-dessus. Ouais, merci Morgane. Et donc, ouais, c'est la fin de notre émission. Donc, restez sur Radio Campus. À 14h, l'émission Cinéma m'était compté en direct. Ce sera l'épisode 1 sur les grands classiques du cinéma. Bon week-end. Bon week-end.